tête de rebeu cramé par les corps. Ma tête inconnue ne fait pas de crédit. Tu peux mieux attraper le taureau par les cornes. Si tu braques, mais tu tires pas, t'es plus crédit. Sur la tête de ma mère, que si je donne mon avis, bah frérot, t'es foutu. La remballe, t'es foutu, je m'intéresse pas, moi je retourne écrire un tube. Il pleut des balles, sortez les parapluies, pareil si tu te fais péter, si t'es pas rapide. Le pinel remplacera la carabine, si je te balance un cadet, si je te baratine. Ouais, ça sera carrément carré, j'aurai la carrière à d'arrêter. Mal le baisser, mal à carrure, puis t'as arrangement que t'as couru. Tu peux me dépasser, tu dois avancer, tu peux m'enculer. Tu peux me dire qu'on est pas assez, c'est juste une paire de couilles pour aller rafaler. Le regard est affolant, mais pourquoi tu te comportes comme une folle? Rabat au volant, les poteaux ont failli mourir plus d'une fois. Là tu fais le suceur et en plus tu me colles, mais on s'est jamais dit ouais ça dit quoi. J'ai les mains froides et le shit il colle, et t'as dit qu'il a fait ça et toi tu le crois. Allez casse ta mère, eh, porte-toi pas sans ton pote. Avec une guitare frérot, je peux vous faire comme le rock. Sa mère la dame. J'ai toujours pas signé, j'suis toujours au quartier, j'suis avec les miens. J'suis pas fond dans la mine. J'vais où le vent m'emmène, y'a personne au-dessus de moi. J'emmerde tout le monde, j'débarque et j'fous la merde. J'suis pas à fond dans la barre. J'ai tellement croisé que j'ai de façon à barre. J'suis joker de Tika. J'reviens qu'à couler, c'est du rap. Passe-moi une feuille, un stylo, mon flow n'est pas stylé, grand ref investi là. Fais partir de 3 kilos, si tu te fais enculer, allez même pour un gramme. J'suis dans le tempo, y'a encore les corps, c'est coffré dans la part, belle exit qui casse la porte, Ma vie se résume au bif, les enfants, le shit, la drogue, le risque, ton gars, Paris, les bas, la jette. Pourquoi on ne voit plus quand ça tire et j'suis dans le bail. Aïe aïe aïe aïe, je suis dans le bail. Aïe aïe aïe aïe, je suis dans le bail. Aïe aïe aïe aïe, je suis dans le bail. Aïe aïe aïe aïe aïe. Cramé sur la vie de ma mère, je cramé sur la vie de ma mère. Cramé sur la vie de ma mère, je cramé sur la vie de ma mère. Cramé sur la vie de ma mère, je cramé sur la vie de ma mère. Cramé sur la vie de ma mère, je cramé sur la vie de ma mère.